Je n'ai besoin d'aucune drogue avec le métier que j'ai. Ce que je prends de plus fort, c'est de la dentine fire. C'est bon? Décrit dans le devoir comme ayant du toupet, mais heureusement, il a aussi du contenu parce qu'il est tellement bien entouré. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudier! Hey, bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous préparer à l'arrivée de la Charte des valeurs québécoises. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oh boy! Ça va rappeler Bernard Drainville, je pense. Faites savoir, bonsoir! Bonsoir! Est-ce que vous êtes prêts pour la moi, Charte? Moi, là, la Charte, là, je suis vraiment... J'ai tout enlevé les signes religieux, hein. Chez moi, là, il n'y en a plus. Ah oui? Ouais. Vous avez tout enlevé ça? Ouais. Comme quoi, par exemple? Ben, premièrement, j'ai remis mon prépuce à sa place. C'est... Il était... Ah. Ça me déçoit des fois que les gens rient à ces blagues-là, mais... Il était où, Fred? Ah, j'avais laissé chez une amie. Ah. Pas chez Miley Cyrus, toujours? J'espère que non. OK. Hey, ça fait 2 semaines qu'on parle de votre prépuce. Hein? Ouais, mais que voulez-vous? C'est le signe religieux que je porte. Fait, regarde, qu'est-ce que c'est? Mais vous le portez bien. Ah ouais, mais on me le répète souvent. T'as assez. OK. Parlant de choses rétractables, Il y a le ministre Yves-François Blanchet qui était en beau sacre fort cette semaine. Ah ouais, ah ouais? Et qui... Non, mais il était fâché. Ah, je sais pas, j'ai pas remarqué. Non? Non, hey, non mais il était fâché contre la compagnie Reliance. Ah ouais, ouais, ouais. La compagnie de BPC. Ouais. Hey, il leur a dit, hein. Là, vous allez arrêter ça, l'entreposage de BPC à Pointe-Claire. Ah ouais? Parce que je vous le dis, là, hey, sinon... Sinon fâché, quoi? Ben sinon, hey, ils vont rester là, Barry. Tabarouette. T'as dit que... Non, il est fâché noir. Eh hey, non, ça, écoute, ça va bouger d'être là. Ouais, mais là, wow, ça va bouger. Ça fait 5 mois qu'il y a des déversements, il n'a pas bougé le petit mois. C'est ça, mais faut savoir hein, que Yves-François Blanchet a été le gérant d'Éric Lapointe. Ah ouais. Fait que des déversements toxiques, c'est, ça l'énerve pas. Ça l'énerve pas. Hein. Ça... Ouais. On a déjà vu d'autres. Ouais, j'avoue. Des parties, on l'oublie, ça. Ben non, on oublie ça. Hey, parlant de toxiques, il y a Stéphane Gendron, le maire d'Huntington, non, mais qui menace de démissionner de son poste hein, parce que son projet de cimetière musulman dans le parc industriel de sa ville a été refusé. Ah ouais, comment ça? Ben en fait, c'est parce que ça rapporte pas de taxes municipales des morts. C'est des gens qui travaillent pas, ça sert à rien. Ça. Ah ouais, hein? Mais pourtant, c'est une terre arable. T'as un beau jeu de mots, ça. Ouais, il est assez douteux, mais tu sais, la semaine prochaine n'est pas encore commencée, fait qu'on veut prendre le marché. Hein? Ouais, ben c'est ça. Excellent. Alors, faut en profiter. Tout ça pour dire que Gendron, ben, il est en beau maudit. Ah ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est déchoqué? Ben, c'est ça. Probablement qu'il va sortir son pick-up et il va écraser des minous. Ah ouais. C'est hein? Ça. Mais ça le calme. Ça, ouais. Ça le. Là, ça va prendre un cimetière et les petits minous aussi. Ben, non, il se fait des oreillers avec ça. Ah ouais? Quand ça sent, il change. Non, il est spécial, ce gars-là. OK. Parlant de cadavre, une autre nouvelle. Il y a Raymond Bachand qui quitte la vie politique. Ouais, Dieu est son âme. Ben, son âme de politicien, quand même, parce que. Il est pas mort. Ben non, il s'en va dans le privé. Il a que 66 ans, ah, monsieur. Oui. Et 66 ans, c'est encore jeune, hein? À Radio-Canada, là, il serait une couple d'années d'avoir 2 émissions par semaine. Ah oui? Ben non. On va l'avoir notre temps plein. Ah non, mais j'ai hâte, moi. Viens-tu hâte? Ben non, mais ça va bientôt, Fred. Il reste 25 ans. C'est vrai? Oui. Hey, Colin, qu'on a hâte d'être rendu là, franchement. Là. Toujours dans le domaine du libéral, on a appris aussi que, ben, je sais pas si vous avez regardé, là, Stephen Bronfman, qui va être responsable maintenant de la campagne du financement du Parti libéral du Canada. Puis ça, là, c'est les mêmes Bronfman de Seagram qui font de la boisson. Oui, qui font de la boisson, oui. C'est ceux-là, c'est la même gang. Il roule, hein, Justin, quand même. Hey, le gros pote, le gros gin. T'as dit qu'il en profite de la prorogation du Parlement? Tabarouette! D'ailleurs, parlant de grosses cocottes, on a appris aussi cette semaine que Rob Ford en avait fumé beaucoup. Ouais. Et c'est pas des rumeurs, c'est lui qui l'a dit. Ah oui? Ouais. En plus du crack? Non, c'est ça, le crack, c'est pas confirmé. Okay. Hein? En même temps, quand tu fumes du crack, le pote, c'est quoi? C'est comme manger des petites saucisses cocktails avant la dinde de Noël. Ah, c'est, hein? C'est un appetizer. Un appetizer. Ouais, c'est une petite affaire de rien. Mais en même temps, le même Rob Ford qui fume des joints, ouais. Là, ça doit être mou pas rien qu'un peu, ça, après. Hein? Oui, ça doit être... Bon boy! Sale trip de bouffe, hein? J'espère qu'il prend son beurre de peanut chez Costco. J'espère, moi aussi. Hein? Ouais, ça... Enfin, voulez-vous un beau lien? Parlant de Costco, on a des belles palettes d'invités cette semaine. Merci, on a travaillé très fort, celle-là. Alors, on reçoit tout d'abord Denise Bombardier, qui est une invitée chouchou de l'émission. Ouais, avec André Boisclair. Hein? Oui, mais moi, c'est ma préférée. Pour d'autres raisons, invitée chouchou, nous, on l'aime, Denise. Sinon, on reçoit également le maire de Montréal. Celui qu'on compare injustement à M. Tranquille, c'est circulé dans les médias, puis c'est pas drôle. Pourquoi injustement, Fred? Je sais pas, je dis ça pour être poli. OK, bon, on aura le temps de lui rendre justice, parce que la soirée, tout le monde, est encore jeune. Olivier Niquette, bonsoir. Bonsoir. Les internets. Ben oui, on est sur twitter.com/laSoirée, facebook.com/laSoirée est encore jeune, et sur notre site radiotraditioncanada.ca/laSoirée, où en passant, vous pourrez voir une vidéo où Philippe Band, l'humoriste de l'année, là, se met 40 glaçons dans les bobettes à la radio. J'ai jamais autant ri. Hey. Et comme dirait notre fidèle auditeur Jean-René, j'espère que ça va l'empêcher de se reproduire. Oui. C'est pas nous qui le dit, c'est sur Twitter. Et ouais. Justement, c'est le temps du courrier des auditeurs. Aïe, aïe, hein? Wow! On en a de l'argent ici. Eh boy! Ça me donne envie d'écrire à l'émission. Alors, cette semaine, Patrice Tremblay nous écrit « J'aime beaucoup votre émission, merci. Lorsqu'on assiste à un enregistrement, est-il en 3D? » Ah, bonne question. Moyennant un supplément de 4$ pour les lunettes, oui, c'est en 3D, mais ça vaut la peine de payer parce que quand Fred Savard postillonne, ça a l'air tellement vrai que vous êtes tout mouillé après. Ah, mais c'est donc bien le fun! Merci beaucoup, Olivier. Et à la demande du public, et particulièrement de sa mère, on a décidé cette année de mettre un peu plus de Jean-Sébastien Girard dans l'émission. Hein? Et moins de contenu, donc c'est ça, faut balancer quelque part. Ouais. Alors, on va rejoindre immédiatement l'imbuvable Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Ben, très bien, merci. Oui, ben, c'est ça. Alors, cette semaine, je poursuis ma série sur les candidats aux élections municipales partout à travers la province. La semaine dernière, j'étais avec Mélanie Joly. Et cette semaine, vous le savez, hein, c'est la semaine des candidats vedettes. Ah oui, c'est vrai ça, on en a entendu. Il y a eu, exactement, il y a eu la petite journaliste. Voyons, c'est quoi son nom, la femme de Franco Novo, la fille qui parle parce qu'elle se marie pas une journée par année. Ouais, non, c'est ça, c'est Marie-Pierre Depay avec Franco. Marie-Pierre, c'est ça, exactement. Il y a aussi la fille de la vieille dame de l'UDA, comment ça s'appelle? Mireille Desglin? Non, l'autre! Sophie Lorrain? Non, l'autre, sa sœur, Sophie Lorrain. Ah, Danielle, là, elle qui a moins réussi, là, ben oui. Moins réussi, c'est Danielle Lorrain. Oui, oui. Donc, voilà. Et celui avec qui je souhaite m'entretenir aujourd'hui, tout au long de l'émission, je vais l'accompagner peut-être pour faire du porte-à-porte, le journaliste Édouard Rémy. Édouard Rémy, mon Dieu, mais il est pas mort, ce monsieur-là? Ben oui. Il est-tu mort, pour vrai? Ben là, je sais pas, j'ai pas regardé sur Wikipédia récemment. J'aurais pas dû faire mes fiches de recherche par ma mère. Écoutez, j'étais censé partir à la recherche d'Édouard Rémy. Je fais mes recherches et je reviens dans quelques minutes. Ben merci beaucoup. Coucou Jean-Sébastien. À tout de suite. Toujours le fun, ce monsieur-là. Et qu'on l'aime. Première invitée. Elle revient en force sur nos ondes comme collaboratrice à Culture Club et pour nous présenter les grands discours de l'histoire récente, accueillons Madame Denise Bombardier. Bon. Ça faisait tellement longtemps que je ne vous avais pas vu. Oh, j'aime tellement ça venir ici. On se donne des becs sur le micro, c'est pas grave. Hein, oui, mais ça donne d'ampleur au baiser. Je sais bien. Bon. Bon, là, l'alcool de suite. D'habitude, non, on a plus de fun, non? Non, merci, je ne bois pas de bière. J'haïs la bière. Ah, oui. C'est le champagne, vous. Hein? Oui. Et là, je me sens un peu quand mal. Vous en aurez. La prochaine fois, vous le saurez. Ben non, mais je le savais en plus. C'est ça qu'ils m'ont dit. En plus? J'ai eu une grosse semaine. Oh, ben écoutez, je repars. Non, mais restez. Non, ça serait bien bête que vous partiez aussi. Hein. Bon, voilà. Très bien. Non, mais la prochaine fois, je me sens mal. Il n'y a pas de champagne dans le coin, hein? Non. À Radio-Canada? Ben, il y a peut-être un fond de vin blanc, puis j'ai du 7-Up. Oui, c'est ça, exactement. Ben, ça ressemble. C'est ce que j'allais dire. Ben, ce serait du mousseux. Ben, merci d'être encore avec nous, madame. Ben, ça me fait plaisir. On va dire les vérités, là. Il y a des gens ici qui n'ont peut-être pas écouté l'émission de février dernier. Oui. On s'aime, nous. C'est vrai. Bon. Voilà, c'est dit. Je veux juste que les gens et soient nous, à l'aise. C'est inconditionnel, puis on n'a pas besoin de charte. Non, absolument. Mon Dieu, non. Hey, ça, on va en parler parce que c'est le fun, la charte. Hein? On aime ça? Okay, on va est-ce que vous lisez ce que je lis, ce que j'écris? Oui, j'espère malheureusement, je suis tombé là-dessus. Je vous le dis. Mais parlons un peu de votre présence à Radio-Canada, parce que, bon, on vous recevait en février dernier. On savait pas que vous alliez revenir à Radio-Canada. Mais c'est parce que j'étais avec vous ici. Ça a reparti ma carrière. Je le sais. Mais vous riez, hein? Vous riez, mais il y a des gens qui ont monté. On a reçu Applebaum avant qu'il soit maire. Ouais. Hey, ça a monté son André affaire. Boisclair, hein, on le disait, il est parti à New York. Il est parti aussi. On a reçu plein de gens qui. Ouais, mais Madame Marois avant qu'elle soit élue. Attendez de voir ce qui va vous arriver dans 6 mois, grâce à moi. Pour vrai? Parce que vous asseyez à côté de moi, bien oui, évidemment. Pourquoi 6 mois? C'est bien long. Ben 6 mois, c'est le temps d'une saison à la télévision. Ah oui, OK, parfait. Mm-hmm. Ah oui, à cause de vous? Mon Dieu, que c'est le fun, ça, c'est excitant ce qui se passe. Mais vous êtes à Radio-Canada dans 2 émissions. Quand on dit que les gens qui ont beaucoup d'expérience ont beaucoup d'émissions, vous avez... Excusez-moi, je suis une collaboratrice de 15 minutes dans une émission. Ben, attendez un peu, vous animez aussi les grands discours. Oui, ça dure 5 semaines. Et je vais vous dire, les grands discours, on aurait pu en faire pour... encore 5 semaines. En plus. Parce qu'on est allé chercher les gens qui, dans le 20e siècle et au début du 21e, mais il y en a plus dans le 20e siècle, forcément, c'est des gens qui avaient des visions des choses. Qui donc, vous parlez des grands discours à la radio des discours, Canada. Ben oui. Extraordinaire. La semaine dernière. Ça date. Semaine dernière, c'était. Obama. C'était Kennedy. C'était Obama et Martin Luther King. Demain, dimanche, c'est. Jean-Paul Dion. II. Stéphane Dion. Stéphane Dion va être là. Non. Je vous ai parlé des grands discours et des grands hommes. Ah oui, pardon. Oui. Mais la question qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est est-ce que ça existe encore des politiciens qui sont capables de faire des grands discours qui marquent une époque? Et qui ont une vision? Non. Je crois que ces hommes-là appartenaient à une autre culture. Savez-vous pourquoi? Parce que le système d'éducation ne permet plus à des gens de se déployer comme ça. C'est le moisi dans les écoles? Non, c'est pas ça. C'est qu'on forme maintenant des techniciens très, très pointus, mais on n'a pas cette culture générale qu'avaient ces gens-là, cette vision du monde. Exactement, les humanités, c'est sûr. Les cours de rhétorique. Donc, on ne peut pas reproduire c'est ce type de personne. C'est drôle que vous disiez ça, parce que j'ai fait mes humanités, moi. Oui, mais c'est ça sent. Fou, hein? Ben, je sais bien que ça sent. Ah, non, mais non, ça sent pas. Moi, je travaille avec, là, puis c'est affligeant, le manque de culture. Non, mais ça, c'est parce qu'il s'ajuste, Fred. Il s'ajuste à vous. Bon, je m'ajuste. Voyons, je ne peux pas tout savoir comme ça. Non, mais à un moment donné, les études, c'est assez. Non, puis en plus de ça, c'est pas bien vu au Québec d'avoir l'air trop intelligent. Ben non, c'est vrai. Attention. Exactement. Même exactement. Un homme doit faire attention. Je sais. J'en suis victime à chaque semaine. Bon. C'est écœurant. Non, mais d'ailleurs, je veux pas être trop prétentieux. Cela dit, Louis Cornelier, dans Le Devoir, a signé un article récemment sur pouvez-vous nommer des prétentieux Québécois? Imaginez-vous que vous êtes retrouvé dans ce liste-là. Ça devait être une erreur. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les gens confondent deux choses. Quoi? Ils confondent l'affirmation, ils confondent l'assurance d'une femme et la prétention. Ouais. Les gens prétentieux, c'est des imbéciles. Le monde est niaiseux. Parce que si tu prétends, c'est que tu n'as pas les moyens de tes affirmations. C'est ça. Voilà. Alors, c'est comme quand un jour, Christiane Charette m'a demandé si j'étais. Elle m'a dit, vous êtes snob. J'ai dit, excusez-moi, je suis trop intelligente pour être snob. Les snobs, c'est des imbéciles, c'est des cons. Vrai. Quoi? Ah ben ça c'est fâchant parce que ce soir à Belle et Bombe, je chante la chanson je suis snob. Ah oui? Oui, c'est fâchant, vous me disiez non, mais ça de même. C'est mais vous, c'est votre coq. C'est votre coq. Ah oui, c'est mes cheveux. C'est mes cheveux qui vont comme on ça. Pas un cheveu vous avez prêt. L'air d'un dandy. Les dandys ont l'air snob. Oui, c'est vrai. Bon, tu vois? Oui. Hé, hey, que ça va bien ça. OK. Mais vous auriez beaucoup de succès en Angleterre, beaucoup de succès en France, beaucoup de succès aux États-Unis, mais au Québec, faut faire attention. C'est vous ça, devriez avoir l'air un peu plus bûcheron. Ah oui? Oui. Comment je fais pour avoir l'air? Mais là, un vous avez trop. Vous êtes trop sophistiqué. Là. Vous remontez vos pantalons, vous avez toujours des petites baskets différentes chaque semaine. Il est la chemise. Il est coquet. Oh, c'est un homme coquet. Oui. Mais non, mais quand je vais le dire, je le sais. Qu'est-ce que vous voulez je vous dise? Chambon, hein? Oui, j'ai remarqué. Ben, c'est pour ça que je vous embrasse même ben avec non, un micro. Je sais bien. C'est un problème pour moi. Si je veux être à TVA, je fais quoi? Je me mets moins de parfum. Non, mais j'essaie, là. Si vous voulez être à TVA? Si un jour je veux faire de l'argent, ma question, c'est plus ça, là. Parce que Télé-Québec, quand Canada, c'est bien beau, mais je veux dire, supposons qu'à un moment donné, je voulais assurer mon avenir. Mais si vous voulez faire de l'argent, changer de métier. Vraiment. Ah ouais? Ou alors animer un talk show. Mais un gros, dans une grosse chaîne. Ah, ben, c'est là, ça. Vous allez faire de l'argent, puis coproduisez-le. Ben oui. Oh, mon Dieu, c'est des conseils que j'ai pas. Autrement. Autrement quoi? Vendez-vous. Ouais, non. Ça, on en reparlera plus tard, Denise. Vous savez que les femmes deviennent de plus en plus riches. C'est vrai. Ben, voyons donc, je suis pas prêt à ça. C'est la demande. Ben justement, écoutez, vous me parlez de ça, c'est très drôle, hein, parce que j'écoutais Culture Club, oui. L'émission animée par René, où est-ce que vous êtes maintenant chroniqueur? Oui. 15 minutes par émission. Oui. Oui. Et René vous a présenté en disant que vous aviez eu un été érotique. Oui. C'est-à-dire? Ben je vous passerai le livre. C'est un roman que j'ai lu. Ah oui, pour vrai? Extraordinaire. C'est vrai? Extraordinaire, parce que c'est un grand écrivain. Il a 36 ans et ça fait longtemps, ça fait des années. Comment il s'appelle? Il s'appelle... Ah, c'est étonnant. Comment il s'appelle? Mince alors, oui. Mince alors. Mason. Richard Mason. Mason, merci beaucoup. Merci, chérie. Ah ben oui, hein, oui, vous avez votre homme de main toujours prêt. Et ça s'appelle Le Séducteur en français. C'est The History of Pleasure Seeker. Ah, ben voyons donc, vous. Oui. Puis, c'est aussi bon qu'un porn? Il y a des scènes... Que quoi? C'est aussi bon qu'un bon porn? Un porn-com? Ben je sais pas, là, je veux pas rentrer dans les détails parce que... Savez-vous, je n'ai... C'est un film porno. C'est meilleur qu'un film porno? J'en ai jamais vu. Ben voyons donc, je vais vous montrer ça, j'en ai pas de pas loin. Ça m'intéresse... Non, mais c'est trop ennuyeux. Ah oui? Ben oui, c'est toujours la même chose. On parlera pas de ça ici, hein? Non, ce serait... Non, c'est la tristesse. La chair est triste. Ah, ouais. Dans les films porno, la chair est triste. Il faut que la chair exulte pour que ça soit intéressant. Mon Dieu, que c'est intéressant les entrevues avec vous. Hein. C'est vrai? Ouais, on ne sait jamais où est-ce que ça va, mes questions, ils n'ont plus de rapport. Qu'est-ce que je pourrais bien vous parler, donc? Je t'ai rendu où, là? Je vous suis, et comme j'ai quelques années de plus que vous, je vous ouvre des avenues. C'est tout ce que je fais. Mais c'est extraordinaire. Mais il faut la réinviter à chaque semaine, ben Fred. Ben oui, moi, je... Ben, en fait, on pourrait juste vous remplacer, Fred. Oui, mais ça me dérange pas. Puis vous savez quoi? Ah, c'est très rare que je peux être... Vous-même. Là, aujourd'hui. Ben non, je sais. Ben, oui. Puis la TV, c'est tellement pogné, ce média-là. La radio, on peut faire n'importe non, quoi. Non, c'est pas la TV, c'est les gens qui sont pris. C'est vrai? Ils sont coincés du bulbe. Ils sont coincés du bulbe. Ils sont coincés, tout à fait. Sujet extrêmement intéressant. Depuis, en fait, votre passage, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Il y a une statue de cire, maintenant, à votre effigie, au musée Grévin. Ben, on rit bien, mais c'est rare, quand même, les gens qui ont une statue de cire. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de ciré. Ouais. C'est vrai. Puis il paraît, en plus, que ma statue est à l'entrée, parce qu'il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire ça. Moi, je vais vous faire une confiance. Oui, ah non, allez-y. Hein. Je n'y suis pas allée, parce que moi... Ça me fait peur des statues. Moi aussi, ça me fait peur. Et quand on m'a demandé, je suis allée au musée Grévin à Paris, et la dame m'a dit, je vous donne rendez-vous devant le musée, et puis on traversera le musée. J'ai dit, écoutez, soyez gentille, est-ce que vous avez une porte de côté? Allez, elle m'a dit, ou une porte de derrière aussi. Je suis entrée. Ben là, à Paris, c'est plus compliqué. Okay. Ils commencent par le côté avant. Ouais, non, c'est non, mais ils ont le tour, ils ont le tour. DSK, vous voyez ce que ça a donné. Non, il y a le tour. Alors donc, je suis entrée parce que ça me fait peur. Ben oui. J'ai peur de ça. Alors, je n'y suis pas allée et je suis pas sûre que je vais y aller, mais enfin, c'est quand même flatteur qu'on m'ait demandé. Tout à fait. J'en ai pas, moi, de statut hein? encore. Non, ça, pas, ça, hein? ça, c'est correct, Fred. Juste pas mettre ça dans tes souhaits, peut-être à court terme. Quand on fait faire une statue de tir, je dirais. C'est comme si on était mort, ils nous prennent nos empreintes. C'est ça. Ils nous scannent, ils nous prennent. Vous savez, comme les dentistes, ils nous prennent. Ah oui, bien sûr. Ils prennent les empreintes des dents. Mais vous avez pas peur que votre époux préfère votre statut de tir ou. Eh bien, non, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Ah non? Pourquoi? Je lance ça. Pourquoi? Parce que si mon mari avait été attiré par les statues de cire, il aurait épousé une Anglaise. Ah! C'est donc... puis là, vous parlez d'anglais, on va parler justement de la charte. Parce que ça, c'est le fun. Vous voulez que j'en parle? Oui, s'il vous plaît. Mais lâchez-vous l'eau, là-dedans. Non, mais on peut pas... Non. On peut pas en parler, même pas sorti. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Non, tout le monde a son idée là-dessus. Ben oui. Mais on peut pas faire des blagues avec ça. Parce que c'est un sujet trop grave. Ah boy. Et ce que j'ai écrit... La chronique est là-dessus. Je pense que c'est un sujet qui ne doit pas servir de tremplin électoral, vous voyez. Vous pensez? Ah, je suis convaincue de ça. On va pas essayer de faire l'indépendance du Québec à travers une charte sur les accommodements raisonnables. Je veux dire, savez-vous où on va s'en aller? Mais vous avez justement dit... Mais moi, je suis plutôt favorable à pas l'ensemble de la charte, mais je suis favorable au fait que dans la fonction publique, que l'État soit laïque. Vous êtes pro-prépuce? Je suis... Oui, mais je ne savais pas que vous l'aviez laissé chez des amis. Ça oui, ça m'arrive. Fred est très... Ça devait être Normand Lester. Vous allez aller porter ça chez Normand Lester. Mais Fred, il se laisse traîner. Faut on pas... dirait que je ne l'aime pas, là, ce bout-là. Là. Ben, ferez comme votre affaire, vous le couperez. OK. Là, vous... Aviez-vous d'autres questions? Ben, j'en ai un char de questions. J'en ai un char. Mais c'est ce que je vois, mais vous passez vite sur votre... Ben, c'est parce que là, je ne sais plus où aller, honnêtement. On a parlé... Non, mais c'est pas grave. On a parlé de pornographie, là. on a parlé de... Continuez, je vais vous répondre. Mais la pornographie, ça s'est passé. Bon, on va parler d'autres choses. Vous pouvez pas... Pornographie, c'est fini, ça, hein? On n'en parle plus de ça? Non, c'était la pornographie, c'est l'ennui mortel. Okay, bon, c'est la tristesse. J'ai entendu votre promo là, pour le Culture Club de samedi. Vous allez parler des humoristes... Les femmes humoristes et de filles... Oui, mais... Mais là, je ne vais pas vous dire ce que je vais dire demain. Non, mais quand juste même. Une petite amorce, là, juste pour nous donner le goût vraiment d'écouter l'émission. Là. Ben, oui, s'il vous plaît. Je crois que les... Je vais vous résumer. Oui. Je crois que les hommes ont peur des femmes qui pratiquent l'humour. Ah, ouais. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas drôles. Ah, je vais vous expliquer pourquoi l'humour des hommes et des femmes n'est pas le même. Pourquoi donc? Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre d'hommes, pour ne pas dire un nombre certain d'hommes, qui sont castrés par l'humour des femmes. Ah, parce qu'une femme qui fait vraiment de l'humour, elle désarçonne. Ouais. Et l'homme n'aime pas être désarçonné. Mais il y en a très peu. Il n'aime pas être désarçonné. C'est comme un cheval. C'est, ouais. mais ça, c'est vrai. Ça, je vous le dis. Il ne veut pas être surpris. Oui, non, on ne veut pas faire ça. Hein? Non. Ouais. D'ailleurs, je suis très surpris en ce moment. Mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes. C'est pareil pour l'intelligence. Moi, un jour, il y a un ministre qui m'a dit, Denise Bombardier, vous savez, vous êtes beaucoup trop intelligente pour être séduisante. Moi, je n'ai pas dit qu'il n'était pas assez pour l'être, lui. C'était qui, donc? Je n'ai pas dit. C'est un ministre qui est trop vieux maintenant. Ça, il ferait de la peine. Ah, ouais. Ah OK. Mais non, mais peut-être bien qu'il y a des. Non, mais ça, il fait de la peine. Vous voyez ce qui est arrivé après ce qu'il m'a dit, c'est ça? Il n'est plus ministre, là. Il n'est plus ministre, puis il entend pauvre plus. Monsieur. Mais j'en ai une vraie... Et probablement que certains attributs lui ont échappé. Ah ouais, ça se pourrait. Ben, on ira voir. Mais j'en avais d'autres questions pour vous. Hein. Et la prochaine, c'est... Quand vous étiez là, on parlait de dictionnaire amoureux. oui. du Québec. Vous prépariez un dictionnaire amoureux. Oui, dans la Québec. Collection chez Plon, qui s'appelle Dictionnaire amoureux, et je prépare celui du Québec. Et c'est un travail considérable. C'est les choses que j'aime oui? au Québec. OK, d'accord. Et une question toute simple. Est-ce que mon nom est dedans? Je vais m'arranger pour qu'il y soit. Ça, je suis très, très heureux de ça. Quand je vais parler de l'avenir, mm-hmm. de l'humour brillant... Ouais. Continuez. Je dirais que l'avenir de l'humour brillant, de l'auteur, je pense, n'est-ce pas, tout, est incarné par un jeune ouais. de... Quel âge vous avez déjà? 33. Eh mon Dieu, vous mettiez jeune pas mal. Mais je pensais que vous étiez 29. 33, c'est presque mon fils, alors. C'est-tu correct? 35, lui. C'est correct. Ah, c'est-tu bon? Oui. Est-ce que je peux arranger ça, moi? Ah non, c'est parfait, là. OK, 33. Là, vous commencez à vous dénier, à, vraiment... À, on devient un homme. À vous ouvrir. Oh, oui, à vous déployer. Oui, à se déployer. J'ai 10 ans de différence avec Fred. Ah, Fred est vieux. Fred est très vieux. Oh, je pensais qu'il était encore plus vieux que ça. J'ai 42 ans. Merci. Je prends mon compliment. Bon, il a l'air mûr. Ben, ah, oui. Prêt à t'accueillir. Oui, tu as dit qu'il tombe de l'arbre. Hein? Rien de moins. Non, ça, c'est trop mûr. Mais vous restez avec nous parce qu'on va avoir le maire de Montréal tout à l'heure. On va parler politique un peu. Ah, le maire Passereau. Ouais. Oui, lui qui passe. Alors, vous restez avec nous. Hein? Oui. Vous voulez vraiment rien boire? Non, gardez votre bière. Ah, OK, d'accord. Hey, on en a parlé un peu. Vous le savez, à la Charte des valeurs québécoises fait beaucoup parler les chroniqueurs du Canada cette semaine et pas vraiment bien. Hein? Non. Ça nous a d'ailleurs inspiré cette petite publicité. On écoute. Vos clés. Merci. Si vous voulez, on peut s'arranger, hein? Pas de facture. Vous, là, quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte combien? Ben, ça me coûte rien. Bon, pourquoi? Ben, c'est le gouvernement qui paye. Avec quoi? Ben, nos impôts. Ah, ben, pas de facture, ça doit être dur de payer ses impôts. Ouais, mais en même temps, là, combattre le travail au noir, là, c'est plus ben la priorité du gouvernement du PQ. Ah non? Ben non! Maintenant, avec la nouvelle charte de Drainville, là, c'est pas le travail au noir, c'est les noirs tout court qui veulent combattre. Vous avez lu ça où? Ben, dans le National Post. Ah! Oh, ben, je vais vous payer le cash d'abord! Faut pas tout prendre pour du cash, encore moins ce qu'on dit dans le reste du Canada. Un message de Xénophobie royale canadienne. Eh bien, c'est avec un grand plaisir qu'on va aller retrouver notre... Bon, grand plaisir, j'ai un peu poussé là-dessus. Hein. C'est relatif. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard tout court. Jean-Sébastien, bonsoir! Ah, bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va pas pire, vous? Ben oui, je déambule toujours à Boisbriand à la recherche d'Éric Rémy. Je m'étais trompé, effectivement, et non pas d'Édouard. Ah, ben oui, c'est son fils. Oui, exactement. Donc, Édouard Rémy, le père d'Éric Rémy, alias Monsieur Showbiz. Oui. Nous annoncé cette semaine par le truchement de Twitter qu'elle est présentée ici pour un poste de conseiller municipal. Et oui, hein, après René Lévesque et Pierre Duchesne, on perd encore un grand journaliste aux mains de la politique. Bien oui, c'est franchant. Je suis à la recherche ici de M. Chaubier. Je ne trouve pas. Il y a une madame ici. Bonjour, madame. Madame, est-ce que je peux vous interrompre deux secondes? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, madame de Boisbriand. Dites-moi ce que vous avez déjà vu ici dans le coin, Éric Rémy. Oh mon Dieu, mon pauvre monsieur, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'ai vu, il était jeune, ça fait quelques décennies, je pense. Ben, hein? Est-ce que vous savez qu'il se présente ici comme échevin? Lâchez-moi donc, non, j'avais aucune idée de ça. Ben non. Est-ce que vous pensez qu'il peut apporter quelque chose à votre ville? Oh, je suis pas sûr. Ben, je suis pas vraiment au courant de ces affaires. Je suis pas sûr. Oh mon Dieu, j'ai un gros doute. Hein? Mais peut-être, par exemple, vous pourriez nous donner des nouvelles de Rosita Salvador ou de Serge Turgeon. Ça fait longtemps qu'on a pas eu. C'est ça qu'on ne voit pas assez à la télévision, ce qui me concerne aussi. Écoutez, donc, on est toujours à la recherche d'Éric. On se promène ici. Alors, écoutez, Jean-Philippe, ce que je vous propose, c'est que je poursuis mes recherches. Oui. Et on se revoit tout de suite après le numéro de Fred Savard, un fantaisiste qui passera jamais dans la série des grands orateurs de Denise Bombardier. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur Ici Radio-Canada Première, une émission qui se contre-crise pas mal de Kathleen Turner. Kathleen Turner? Ben oui, mais c'est que c'est déprimant. Le Festival des films du monde, ils vont faire un hommage à Kathleen. On est rendu là, un hommage à Kathleen Turner. Vous vous rappelez pas d'elle, hein? Ben, je me rappelle même pas du Festival des films du monde à Montréal. Piggy Sue est marié. Non, mais c'est déprimant. Ça a été une semaine déprimante, je dois l'avouer. Ouais. L'actualité n'a pas été tendre avec les gens sensibles comme moi. J'ai d'abord appris encore une fois que la génération Y est de loin la plus grande génération de l'histoire de l'humanité, et ce, sur les ondes de Catherine Perrin. Je sais pas si vous avez écouté ça, là. Non. Et pourquoi? J'ai juste écouté l'amorce, puis j'avais toutes mes conclusions. Et pourquoi donc? Oui, parce qu'ils ont eu la chance de grandir avec les aventures d'Harry Potter, ce qui ferait d'eux des êtres naturellement empathiques, généreux et empreints de valeurs démocratiques, alors que nous, les X, qui avons grandi avec la guerre des étoiles, nous aurions tendance à voir la vie de façon manichéenne. J'aime pas tellement ces généralisations parce que ça voudrait dire que les boomers auraient grandi avec des histoires comme Grinch et Séraphin Poudrier, eux qui prennent tout et ne redonnent rien. Mais dites-vous qu'il y a encore plus déprimant que les Y cette semaine, et j'en ai pour preuve cette histoire de BPC de Pointe-Claire qui nous rappelle que rien ne change en ce bas monde et que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs, puisque ça nous rappelle, bien sûr, les BPC de Saint-Basile-le-Grand. Les Y ne s'en rappellent pas, bien sûr. Ça fait 25 ans, la plupart n'étaient pas nés, et les autres avaient encore la flexibilité de pouvoir se mettre les orteils dans la bouche tout en émettant une odeur de pupille dans leur couche en coton. Et que dire du débat sur la charte de Bernard Drinville, un autre de ces débats identitaires qui a bercé mon enfance et mon adolescence, et qui, pour un Y, doit avoir un relent de nouveauté et en même temps de caducité, puisque la dernière fois qu'on a parlé d'identité au Québec, les Nordiques étaient encore dans la Ligue nationale et Ron Tognott gaulait pour Canadien. Je tiens à spécifier que je n'ai aucune position sur l'achat de Bernard. Je suis ni pour ni contre. Je ne l'ai pas encore lu, contrairement à des millions de Canadiens, visiblement. Mais j'avoue me délecter de voir que personne ne semble trouver pathétique que Justin Trudeau compare le gouvernement péquiste au gouvernement ségrégationniste du sud des États-Unis, comme si la charte, qu'on n'a toujours pas lue, allait permettre de lyncher les fonctionnaires qui portent le voile à la SAAQ. Attendez, on l'a même pas lu, la charte. Ça se peut qu'on puisse faire ça. Elle va sortir le 9 septembre. Et c'est quand même assez incroyable de voir combien les gens d'ici sont prompts à donner raison aux zozos du Rest of Canada qui tentent de nous faire passer pour des xénophobes. Je me suis quand même posé la question cette semaine. Sommes-nous xénophobes? J'y ai beaucoup pensé en roulant sur mon scooter chinois, hein, en passant devant les ghettos de l'Université McGill, du Jewish Hospital, du Royal Vic, de Larry Crescent au complet. Et je me disais que si nous étions plus ouverts, peut-être, oui, peut-être, nous aurions 3, 5, 12, 18 universités non francophones à Montréal. Si nous étions collectivement moins xénophobes, peut-être que le West Island ne serait pas juste confiné à l'ouest de l'île de Montréal. Je ne peux nier que je trouve franchement ordinaire la maladresse du PQ d'amener cet épineux débat aussi maladroitement, c'est-à-dire en tentant de le mortifier dans une charte, un procédé pourtant odieux selon ces mêmes péquistes quand il venait de Pierre-Éliott Trudeau. Et je vous avouerai que je trouve tout aussi ordinaire le Parti libéral du Québec, qui au début était outré de la position du PQ, mais qui après avoir vu les sondages démontrant que 60% des Québécois étaient derrière le PQ, a commencé à finesser, afin de ne pas trop effaroucher une partie de sa clientèle, c'est-à-dire les électeurs issus de l'immigration et les anglophones de souche, parce que nous savons très bien que 30% du vote du PLQ lui est déjà acquis. Il n'ira jamais voir un autre parti, et ça, c'est énorme. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, imaginez que vous entrez dans un bar et qu'il y a 100 personnes. Eh bien, dites-vous qu'en tant que bon libéral, 30 personnes sur ces 100 personnes vont vouloir coucher avec vous, même si vous êtes rebutant. Oui, oui, c'est vrai. Sur ces 30 personnes, il y aura toutes sortes de monde, et beaucoup vous frencheront en anglais. Mais en même temps, une langue, c'est une langue, en autant qu'elle se fasse aller au bon endroit. Il y a toujours moyen d'avoir du fun. Et j'espère bien que dans la charte de Bernard, il en tiendra compte, parce que tous ensemble, on en avait quand même pas mal de fun avant que Bernard s'en mêle. Ah, c'est fini? Oui, c'est merci fini. Beaucoup, Fred. Quand je vous dis que ce gars-là a du fond... J'ai beaucoup de fond. Ouais, beaucoup de fond. Moins de fun, par exemple. OK! On va aller retrouver notre ami... Mais bravo. Non, c'est correct. On s'enchaîne. Non, non, go. Non. Mais go, go, go, go. Denise, vous l'aimez, vous, votre Fred? Hein? Oui. Il est intelligent. Hein? Oui. Puis il est rassurant en même temps. Ouais, il y a quelque chose. Hein? Il y a quelque chose. Je trouve que il a l'air confortable. Je suis comme la doudou de l'humour. Ouais. Il a l'air confortable. Quand on travaille avec lui dans le bureau, vous dire qu'est-ce qu'il amène dans ce... Oui, c'est hein? quelque chose. Oui. Ouais. Okay, mais en fait, c'est l'âme. Puis vous savez qu'il avait arrêté de fumer. Hein? Oui. Ah oui. Ah ouais. Ben, le monde. Mais pas les fausses cigarettes. Non plus, non. Non, non, vous êtes capable. Il y a de la force de caractère. Non, bon, mais là, arrêtez de vous énerver, Denis. Je fais du jogging. Écoutez, je suis une autre personne. Mais c'est sûr. Bon, bon, on garde attention sur moi. Merci, on va couper son montage. On va aller parler. On va aller parler à Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe, moi qui ai toujours aimé Denise Bombardier, visiblement, commence à être confus. Comment ça? Ah, parce qu'elle aime Fred Savard. Hey! Alors, je suis en plus toujours avec volupté présentement à Boisbriand, à la recherche d'Éric Rémy. Oui. Je présente ici comme échevin, comme vous le savez. Il y a personne qui le trouve ici. Je vais encore parler à ma bonne madame ici. Rebonjour, bonne madame de Boisbriand. Oui, rebonjour, monsieur Chaud. Ça me fait plaisir de vous suivre. Hein? J'aime ça. Ça prend des affaires. Ben, Phil, est-ce que vous connaissez par contre José Perrier, la rigoureuse épouse et recherchiste d'Éric Rémy? Non, je connais plutôt José Godet. José Blanchette, c'est pas pareil. Hein? C'est pas les mêmes José, ça, ma bonne madame. Mais écoutez, on va tuer le temps en attendant de retrouver Éric Rémy. Madame Bombardier, vous êtes spécialiste maintenant des grands discours politiques inspirants. Vous, M. Showbiz, a priori, ça vous dit quoi comme orateur? Comme ouais, orateur, mais je ne l'ai jamais entendu orater. Mais Mme Bombardier... Et je ne savais pas qu'il avait une vision universelle du showbiz. Oui, oui. Surtout. Très englobant. Alors écoutez, je fais comme à chaque semaine, j'invite les gens à m'écrire sur Twitter pour poser des questions à Éric Rémy. Je vais peut-être trouver ici dans les prochaines secondes. Alors j'offre mon quatrième bloc aux auditeurs. Vous m'écrivez sur mon Twitter personnel à JS Girard sur Twitter. Il se fait de la pub. Et si je le retrouve, on le retrouve dans quelques minutes. Évidemment, on veut des questions politiques, pas des questions comme à quand un retour sur scène pour Georges Guitté. OK. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Fred, notre deuxième invité. Il est le maire par intérim du maire par intérim qui remplaçait Gérald de Tremblay, parti en disgrâce. Accueillons l'homme qui dirige la deuxième plus grande ville francophone au monde, le maire de Montréal! Monsieur le maire! Bon, monsieur le maire de Montréal... Appelez-moi Sire. Ah oui, ben oui, justement. Sire, monseigneur. Votre petit nom, juste pour être certain. Laurent. Blanchard. Non, mais c'est parce que c'est embêtant, parce que ça prend. C'est un travail à temps plein pour savoir qui est maire de Montréal de nos jours. Et moi, j'ai deux jobs ce temps-ci, donc j'ai pas eu le temps. Trois maires en sept mois, ça fait beaucoup à apprendre pour nous, journalistes, nous, citoyens de Montréal, parce que, bon, vous êtes la plupart des citoyens de Montréal ici dans la salle, j'imagine. J'espère. Comme, ben, non, mais il y a des gens d'Arrive Sud aussi qui viennent. Ah oui? Ah oui. On les voit tout de suite, ceux-là. Oui. Mais attendez qu'il y ait un péage. Ouais. Ah oui, mais c'est ça, ça s'en vient quand, ce péage-là? Oh, ça se reprend à quelques années, rassurez-vous. Ah, donc vous n'allez pas faire Jean, ça pendant Jean de la banlieue, Jean... restez calme. Ah, d'accord, vous pourrez venir encore. Ben justement, trois maires en sept mois. Quand vous prenez un mandat de quatre mois, hein, parce que là, c'est quatre mois qui vous reste à régner sur la ville de Montréal, on pense faire quoi avec ce quatre mois-là? C'est la première question qui nous vient à l'esprit. Quatre mois, je veux dire, c'est à peine le temps d'installer ses cadres dans le bureau. Non, ça a pris deux jours. Ah, d'accord. Ah, deux jours quand même, oui, une grosse année. Oui. Et ils sont beaux. Ah, ben d'accord. Mais écoutez, l'avantage que j'ai, oui? c'est que ayant dès le départ décidé que je ne me représentais pas, oui, ça, c'est un avantage. J'ai l'avantage de savoir à l'avance que j'ai un délai de péremption. Ah, c'est ça. Vous passez date dans quatre mois. Ben, dans un mois et demi. Mais ça va me permettre, pendant ces quatre mois-là, de dire aux Montréalais que, quoi qu'il ait pu se passer dans les mois, les années précédentes, la Charte des valeurs montréalaises, ou du moins pour les prochains mois, pour, je pense j'ai entendu parler de Charte des valeurs tantôt. Oui, c'est un petit sujet. Ça s'appelle transparence, ça s'appelle intégrité, ça s'appelle stabilité, du moins pour les prochains mois. Pour les prochains mois, ben en fait, il vous en reste pas beaucoup. Là. Il vous reste quoi, un mois et demi? 57 dodo. Oh boy, on le compte, hein? On le compte, ouais. Ah oui, quand même. À peu près. À peu près, ça fait à peu près 60 dodo que vous êtes maire. À peu près, à peu près oui. Quand est-ce que votre... Et ça s'est bien passé. Oui, jusqu'à date? Oui, j'ai fait toutes mes nuits. Au complet? Au complet. Pas de problème, on ne se réveille pas dans le milieu. Mais on fait comme un bébé, on dort une heure, on pleure une heure, on dort une heure, on pleure une heure. J'ai l'impression que c'est le rythme des maires de Montréal, hein, je veux dire. Mais je comprends bien, vous allez aller après, vous pouvez vous faire appeler Monsieur Roson. Vous pouvez vous retrouver au Festival Juste pour rire. Vous êtes plus drôle que beaucoup d'humoristes. Que Denis Coderre, d'ailleurs. Juste à vous écouter. Coderre, ça c'est clair. Oui. J'ai pas la prétention de faire autre chose que de dire aux Montréalais pendant les cinq mois où j'aurais été élu, on me pose des questions, je donne les réponses. On n'a pas le choix. Et c'est quelque part, apparemment, c'est ce qui se passait pas nécessairement avant. On peut penser qu'à une certaine époque, la Charte des valeurs montréalaises se résumait à des enveloppes brunes. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas? Vous n'avez pas fait votre... Vous voulez dire vous avez changé de couleur? Non, regardez. Ah ouais? Ah ben il y a une enveloppe blanche, là, C'est ça, mais l'enveloppe est blanche. je vais vous conter une anecdote. Cet été, j'ai participé au tournoi de golf de Francis Bouillon, le hockeyeur du Canadien, qui soutient les jeunes sportifs au Hochelaga. Et les gens qui jouent au golf savent qu'à la fin du golf, il y a une espèce de douche qui se prend, puis on est une dizaine ou une douzaine. C'est-à-dire? Prenons des douches individuelles. Ah, OK, OK. Parce que là, j'étais là, mon Dieu, c'est spécial. Et j'entends un voisin qui murmure, on prend une douche à côté du maire de Montréal. Alors, je me retourne et je leur dis, le maire de Montréal n'a rien à cacher. Avez-vous ouvert votre rideau? Était-ce vrai? Ouais. Oui. Ah, mon Dieu, avez-vous des photos de ça, Richard? Oui, mais mon prépuce est confidentiel. Mais alors, monsieur le maire, où est la transparence? Il nous a parlé de transparence. Ah oui. Et il dit que c'était confidentiel. Non, mais la phrase. Ah oui, vous voulez pas dire le mot? Non, le mot ne peut pas sortir de ma bouche. Ah non, c'est vrai. C'est un accommodement raisonnable, finalement. Ah, c'est extraordinaire. Mais vous êtes beaucoup plus drôle que Michael Applebaum, laissez-moi vous le dire. Là, je vous ai pas offert de bière brune. Je vais rester à l'eau claire. Ah, d'accord. D'accord. Ah, Michael Applebaum avait pris une bière. Transparence. Non, c'est mais ça. Non, tout à fait. L'eau claire, tout à fait. Effectivement. Pendant quatre mois, là, qu'est-ce que vous pouvez faire comme maire de Montréal? Parce que, je veux dire, ça doit être une première qu'un maire s'installe pour une si grosse ville pour quatre mois. Parce que j'imagine que la ville peut vivre sans maire pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Mais là, vous avez le pouvoir là, pendant quatre mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Venir chez vous. Oui. Ben oui, pour faire quoi, par exemple? Parce que il a pris la décision de venir vous voir. Ah, ben chez nous étant à l'émission. Ben oui, j'étais là, mon Dieu, j'ai-tu de la visite à soir, puis je suis pas prêt. Je pense que ce qui est important, c'est que Une ville, ce n'est pas un gouvernement, c'est une administration. Ouais. Une administration, ça donne des contrats. Ça fait, comme je l'ai dit en termes montréalais, ça fait rouler la chope. Ouais. Mais juste le fait de faire rouler la chope, ça veut dire que cette semaine, au conseil municipal, mm-hmm. on a voté pour 260 millions de dollars en contrats. Au mois de juillet, on a fait un conseil municipal spécial pour voter un autre 30 à 40 millions. On est pris avec les délais de l'autorité des marchés financiers. Mais malgré ça, les rues doivent être réparées, notre réseau d'égout devrait ne pas s'écrouler. Bon, c'est en même temps, c'est embêtant. Mais c'est certain que le maire de Montréal, l'exemple est évidemment fictif, mais si, par exemple, une rétrocaveuse tombait au coin des rues Guy et Sainte-Catherine... On est dans le fictif. Oui, on est dans le fictif. Ça, là, supposons, là. Ben, le maire de Montréal ne peut pas, à main nue, sortir la rétrocaveuse. Puis ça, c'est un peu décevant. J'avoue. Pour être bien honnête. Mais ça, si j'avais la force physique de votre ami Fred, peut-être que je pourrais le faire. Faudrait arrêter de se faire des compliments, ce monsieur-là. Là. Non, mais il rentre plus dans la porte. Là. C'est non, c'est on ça. On n'est pas pareil. Hein. Il y a cette différence-là entre nous deux. Toujours est-il que vous représentez, en fait, le parti de Vision Montréal. Le parti de Mme Harel. Je me suis présenté pour ce parti-là et j'en suis devenu indépendant au moment où j'étais nommé président du comité exécutif l'an dernier. Mais vous êtes toujours attaché à ce parti-là. Est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections comme maire de l'arrondissement Hochelaga? Je souhaite revenir dans mes modestes terres de conseiller d'Hochelaga. De conseiller d'Hochelaga. Oui. Bon, alors vous allez revenir avec l'équipe de Vision Montréal. C'est ce qui est vraisemblable et plausible. C'est un beau détour. Je trouve ça fun. Mais effectivement, au moment où on se parle, je n'ai pas de raison de penser que je ne me représenterai pas pour ce parti-là. Okay. Mais je pense que j'ai intérêt à demeurer indépendant jusqu'au prochain conseil municipal du 23 septembre pour que les Montréalais ne sentent pas que je suis attaché à une cause autre que la leur d'ici la fin du conseil. Quel est l'avantage le plus superficiel, là, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, l'avantage le plus superficiel d'être maire de Montréal? Quelle bonne question, j'aurais aimé ça, avoir eu de l'intelligence à poser. Hein, quand vous allez être conseiller, ça va être fini. C'est quoi exactement? L'avantage superficiel, c'est sans doute de se dire que sur les murs de l'Hôtel de Ville, il y a un bronze qui illustre tous les maires depuis la création de Montréal. Pour quatre mois, ils vont vous faire un bronze? Ben oui. Ah ben c'est bien soda, ça. Mais je l'ai dit, c'est superficiel. Nos impôts vont du chemin. Je vous l'ai dit aussi. Oui. Oui. Hein, ah, bon. C'est sûr. Mais, ça fait un petit velours, est-ce que vous avez un parking gratis à l'Hôtel de Ville maintenant que vous êtes maire? Ben voyons, il y a un chauffeur. Vous avez un chauffeur? Ben, j'espère bien que le maire de Montréal ne prend pas le métro. Ben pour quatre mois. Mais franchement, pourquoi il serait puni pour quatre mois alors que les autres ont eu des autos durant des années? Fâchez-vous pas, Denise! Puis eux, il y avait le chauffeur. Ben non, mais je l'aime, monsieur. Ah, très bien. Votre petit nom encore. Alors, et vous, je crois que c'est Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, okay. Oui. Monsieur Blanchard. Oui. Bon, ben je l'aime, Monsieur Blanchard. Bon. Il a le droit d'avoir son char, mais je trouve juste ça plate, parce que quand il va redevenir conseiller des conseillers d'arrondissement, c'est quoi votre déplacement à le conseiller d'arrondissement? Ben écoutez, je prends mon auto de la rue des Iries où j'habite jusqu'à l'Hôtel de Ville. Okay. Et l'avantage d'avoir un chauffeur, c'est de pouvoir travailler quand on est dans l'auto. Par exemple, si je me présentais à l'émission de Jean-Philippe Vautier sans savoir c'est marqué... Ça. Il m'avait dit comme note une émission au ton décalé, caustique et festif. C'est décalé, ça là. Ça ressemble à ça, je pense. C'est décalé, là. Il n'y a pas de doute que c'est décalé. C'est très festif. C'est-à-dire, on rit toujours plus tard. Le fun que j'ai ici, moi, c'est festif, là. Moi, c'est un fun décalé. et le caustique, c'est lui? On va le voir plus tard. Il sourit, on l'entend pas beaucoup, mais quand il bang, d'un coup, petite niquette. Non, mais c'est pour ça. En fait, l'auto, ça sert tout simplement d'instrument de travail durant mes nombreux déplacements. C'est un bureau roulant. Est-ce que vous l'aimez, Denis Coderre? Est-ce que je dois répondre à cette question-là? Tout à fait. Non, mais je pense tout que Denis Coderre est un Montréalais. Bon, on l'oublie souvent, ça. C'est un Montréalais. Il est propre de sa personne. Bon, en même temps, je l'ai fréquenté. Il vient du nord de la ville. Ouais. Il a été député à Ottawa. C'est beaucoup de vérité, ça. Il parle italien. Il est très bon pour les soupers spaghetti. Oui. Ben, c'est toutes des choses vraies, ça, à date. Oui. Ouais. Mais est-ce que c'est la solution que vont choisir les Montréalais? Ah, mon Dieu, que c'était plein de contenu. Ouais. Ah, oui, c'était... Ouais. Maintenant, on va y aller avec une deuxième question. J'ai bien surfé, oui. Oui, vous dire. Maintenant, la deuxième question, ce qu'on vous demanderait de surfer, là, c'est Marcel Côté. Vous le trouvez comment? C'est votre candidat, ça? En tout cas, c'est le candidat de l'équipe Harel. Il vient de Montréal. Oui! Il habite sur le plateau. Aussi. Il est aussi propre de sa personne. Ah, ça, je ne l'ai jamais rencontré. Il a, oui, il est près de sa personne. Je l'ai déjà croisé. Ah oui, peut-être dans la douche. Pas cette fois-là, non. Golf, non, OK. Non, et puis, que dire de plus? Oui, sinon je ne sais pas, c'est votre candidat. Non, que dire de plus? Sinon que, il s'intéresse à la culture. Oui, il y a ça. Non, mais c'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an, on se disait la politique montréalaise n'intéressera personne. Ouais. Là, on a un candidat de qualité. Ah bon, mon Dieu, c'est le premier candidat. Marcel Côté, parce que c'est quand même quelqu'un qui a des expériences professionnelles et culturelles très riches. M. Coderre, une expérience politique importante. Ben, vous restez avec nous, M. le maire. Ça va me faire plaisir. J'espère, parce qu'on va écouter justement le très décalé Olivier Niquette, Fred. Si la radio Jambon n'existait pas, elle retournerait sûrement à l'urbanisme. C'est donc pour ça que la ville de Montréal n'est pas très belle. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Vous l'avez dit moins fort qu'à la pratique, hein? Ouais! Mais je... Fred! Pas Fred, Olivier. Ben oui, hein? Ben oui, vous vous en doutez, l'actualité de la semaine a été très propice. Prépuce. C'est ça. L'actualité a été très prépuce à crier fort dans des micros, même que l'émission Cap sur l'été s'est adonnée au pétage de coche. Écoutons Marie-Josée Taillefer nous expliquer ce qui, en général, la fait sortir de ses gonds. Des fois, on pète une coche. Oui. Tu sais, un peu trop rapidement, pour différentes raisons. En fait, il y a des choses qui nous exaspèrent. Oui. Y a-t-il des affaires, toi, qui t'exaspèrent? Ben, il y a des affaires, oui, comme pourquoi les mauvaises herbes poussent dans le pavé uni. Ah. Hey, ça, non, mais c'est niaiseux. La vie de René Simard doit être intenable. Mais passons à un sujet moins controversé, la Charte des valeurs québécoises. Une belle occasion d'exagérer un petit peu, comme l'a fait Jean Lapierre, en insinuant qu'on s'approchait tranquillement de l'État policier. Comme Québécois, là, au fond, on a un État plus répressif qu'à peu près n'importe où ailleurs, dans le sens qu'on a, on a une police de la langue. Ben maintenant, oui. On a une police de l'économie parce que l'AMF et l'UPAC, sur tous les contrats, puis ça, ils appliquent tous les critères là, subjectifs de haut standard d'intégrité. C'est ça. Mais après ça, on va avoir une police de la religion. Ben oui, puis ça va être quoi la prochaine étape? Une police pour interdire aux gens de manifester? Ah non, c'est vrai ça, Jean Lapierre, il haïssait pas ça, la loi 78. Peut-être parce que c'était une loi libérale. Et d'ailleurs, Raymond Bachand a cru bon de le remercier avant de quitter la politique. Raymond était là, puis tu sais, il m'a remercié pour la belle contribution qu'on a eue ensemble dans les dernières années, tout ça. Je sentais qu'il était sur le bord. Ben oui, bravo, ça doit pas arriver souvent qu'un politicien remercie un commentateur pour sa contribution. De son côté, Tasha Carradine du National Post a poussé la réflexion de Charles Taylor sur le côté poutinesque de la Charte des valeurs une coche au-dessus. Il y a aucun autre pays qui interdit les signes religieux. On peut penser à la Russie, ben l'Union soviétique, les gens n'avaient pas le droit d'exprimer leur religion, n'avaient pas le droit d'aller à prière, mais aussi d'avoir des symboles religieux. La Chine de Mao, les gens n'avaient pas le droit de pratiquer la religion. Voilà, c'est rien de moins qu'une révolution culturelle que Marois Zedong veut nous imposer. Autre sujet de débat chez Cogeco à Québec, les femmes qui sont présentes en plus grand nombre dans les cégeps. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup Sylvain Bouchard, puisque les femmes finiront par gagner plus que les hommes. Et ça, qu'est-ce que ça va entraîner? Plus de divorces. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de supporter que votre blonde va gagner plus que vous? Exact. Moi, non. Moi, je ne serais pas capable. Non? Ah, non. Pourquoi? On a de la misère. Pourquoi? Ça fait 10 000 ans qu'on a dans nos gènes. C'est long, 10 000 ans. Mm-hmm. Ça, depuis quand la femme domine l'homme? Depuis à peu près 5-6 ans, là, moi, je pense que vous êtes vraiment power femelle. Mais t'as-tu idée, 10 000 ans, comment ça rentre dans la culture de quelqu'un? Eh oui, on a tous le gène du gros salaire. Quoique, message à nos auditrices multimillionnaires, on est prêt à piler sur notre orgueil si nécessaire. Sylvain Bouchard et Mario Dumont ont aussi discuté de l'un des derniers tabous, le financement des cégeps. Que fait un directeur de cégep pour financer les programmes importants, vous pensez? Ils foulent ces auditoriums de sociologues, d'historiens puis de philosophes qui savent très bien que c'est des diplômes de futurs BS ou chômeurs, mais il y a besoin d'une nanane de l'argent pour payer les études de l'autre à côté. Et dire ça, je m'excuse, là, mais c'est pas de dévaloriser les sociologues. Ben non! Ben non, c'est pas dévalorisant de se faire traiter de BS. Ils ont pas une scène, ils peuvent pas être dévalorisés. Sinon, cette semaine était diffusé le documentaire Carré rouge sur fond noir que les animateurs de Radio X, dont Carl Monette, ont bien sûr regardé. Conclusion, Gabriel Nadeau-Dubois est un maudit chanceux, ou presque. Hey, y en a-tu quand même, ça a ramassé pas mal de filles, hein, quand même, dans la dernière année et demie. Mais moi, je suis jaloux de lui. Surtout là-dessus, hey, tu fais des speeches, là, sont toutes à tes genoux. Bon, faut juste que t'es passé à la douche avant, puis tu leur expliques qu'il faut que ça se rase. Mais sinon, là, hey, y a-tu ramassé des filles? les laver, les raser et s'assurer qu'elles n'ont pas un meilleur salaire que lui. Mais je suis un peu mal à l'aise de vous avoir fait écouter ça. Alors, on va tout de suite passer à un autre sujet qui sent meilleur, le pot. Selon Denis Gravel de Radio X à Québec, Justin Trudeau, en avouant en avoir fumé du bon, montre qu'il n'est pas parfait et c'est ce qu'on aime d'un politicien. De toute façon, là, le seul politicien parfait qui a existé, là, ben, c'est un peu mal viré. On peut-tu avoir quelqu'un qui est hors de tout soupçon? Ça n'existe pas, Jérôme, je m'excuse. En fait, ça existe. La personne qui avait le plus beau CV qui est devenu un politicien, c'est Adolf Hitler. Pas de défaut. Ah, ça c'est vrai. D'ailleurs, si quelqu'un nous envoyait un CV aussi beau que Mein Kampf, là, c'est sûr qu'on l'engagerait pour remplacer Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Olivier. Finir sur une blague comme ça, c'est toujours drôle. C'est déprimant. Ah ben c'était la rentrée pour tout le monde cette semaine, même pour notre ami Kevan Gosselin, qu'on aime d'amour de Radio X Jazz et qu'on s'était ennuyé de lui. Hein. On l'écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui bûche les itinérants. Bonjour tout le monde, Kevan Gosselin de retour derrière le microphone pour une nouvelle saison de l'émission des airs d'Arien. C'est donc la rentrée pour moi aussi après un été où j'ai pu me ressourcer en revenant à mes anciennes amours, c'est-à-dire Dorman au bar de danseuse Le Trou à Normand. D'ailleurs, je salue mon chum Normand qui nous écoute peut-être. J'ai eu la chance d'assister hier au lancement de notre nouvelle programmation, un lancement qui se faisait au circuit de go-kart Pro Racing de Blainville et ce fut toute une réussite. J'ai pu jaser un peu avec notre directeur de la programmation qui est aussi mon beau-frère, Chuck, et qui est pas mal stressé, pas juste pour nos codes d'écoute, mais aussi parce que son plus vieux, Steve, qui a 5 ans, fait son entrée à la maternelle et Chuck a carrément la chienne que son fils se fasse bourrer le crâne par son enseignante socialiste. J'avoue que je partage ses inquiétudes. Si j'avais un enfant, j'insisterais fortement pour que ma conjointe reste à la maison et s'occupe de lui apprendre à compter, à parler anglais et accessoirement à maîtriser les bases du français. Comme ça, je contribuerais à abaisser le taux de chômage en libérant une place pour un homme et mon fils serait éduqué à peu de frais, ce qui pourrait faire baisser nos impôts. Malheureusement, beaucoup de femmes ignorent qu'elles pourraient tranquillement rester à la maison au lieu de courir vers le burn-out en s'épuisant sur le marché du travail, dire qu'on finance avec mes impôts et un système d'éducation à la sauce communiste et le Conseil du statut de la femme, une organisation qui porte bien son nom puisqu'elle est aussi immobile qu'une statue. Et parlant de statue, on va aller écouter un monument du jazz, le saxophoniste Cannonball Adderley et la pièce Something Else que je dédie à tous ceux qui ont retiré leurs enfants de l'école. On écoute ça sur le Radio X Jazz, 91,9 Blanc FM. Hey boy! On oui, il est en forme. Eh ben, on va aller trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous êtes... Ben oui. Bonjour, Philippe, oui. Comment allez-vous? Ben, c'est ça, vous? Ben oui, tout okay. À fait. Toujours à voix brillant, hein, en train de chercher Éric Rémy, qui se présente ici, comme vous le savez, comme échevin. Tout ce que j'ai trouvé, ben, c'est toujours cette bonne vieille madame de voix brillante. Je vais manger un blizzard au Dairy Queen. Rebonjour, ma bonne vieille madame. Oui, d'abord, je m'excuse, je suis pas si vieille que ça, là. Écoutez, mon téléphone ne dérougit pas, soit plein de tweets ici qui s'adressaient à Éric Rémy, si jamais on avait réussi à mettre la main dessus. Je vais vous lire quand même, ma bonne vieille madame. Alors, un courriel qui nous vient de Total Trap 32 qui dit « Bonjour Éric, allez-vous regarder le résultat des élections municipales de 2009 au lendemain du vote? » Un autre tweet qui nous vient de S. Gendron 69 « Que penseriez-vous d'un cimetière de musulmans à Boisbriand? Ah, ouais, mais elle est folle, l'autre. Ben, écoutez, Jean-Philippe, comme vous le voyez, on n'a pas trouvé Éric Rémy, mais on a passé une heure avec grand plaisir. Ben oui, pas autant que nous. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À la semaine prochaine. Ben, ah, mon Dieu, que c'est drôle. OK, bye. Il se penche cette semaine sur l'arbre généalogique de nos chefs politiques. Ce qui fait de lui notre mormon de service, voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Oh, boy. Oh. Hey, faut être attentif, hein. Ça va vite. Vite de même, vous nous parlez de quoi là, aujourd'hui? Parce que ben, donc, pour savoir, donc, je reviens de d'où on vient, ma mission dans cette émission grivoise est quand même d'être le phare de la connaissance dans cet océan d'ignorance, hein, Fred, et que la session n'est pas commencée en plus, j'ai décidé d'aller fouiller dans l'arbre généalogique de nos leaders et de me pencher sur la signification de leur patronyme. Vous avez beaucoup de temps. Et croyez-moi, ceci explique souvent cela, à commencer par notre première ministre, Pauline Marois. Oui. Marois, ça vient de Picardie et de Normandie, variante régionale du mot marécage, terrain marécageux. Ah, pas... c'est bien fait. Aussi, en vieux français, ça veut dire marin, mais quand même, ça veut dire, ça explique pourquoi le pataugé en début de mandat où elle s'est enlisée. Si vous préférez. Oui, c'est un jeu de mots. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'enlise? On avance, on recule, on avance, on recule. Ça explique bien des choses. Ben oui. Philippe Couillard, lui, Couillard, hey, boy. c'est un peu péjoratif. On oui. est allé assez, on est peut-être allé trop dans ces mots-là. Oui, mais non, mais c'est, okay. C'est bel et bien dérivé de couille, mais ça désigne l'homme qui a de gros testicules quand même. Hein. Sans blague. La signification, c'est tout à fait, okay. tout à fait. La signification s'est transformée par la suite en bon vivant, ce qui s'est pas traduit dans la réalité pour Philippe Couillard. Mais non, ben non. On peut se compter chanceux quand même, parce que M. Couillard, son prédécesseur, M. Charest, ça voulait dire petit char, donc pas les gros. Et aussi, dans une autre exception, sommet rocheux oui. pour Chauray, ce qui implique le corollaire bien connu du roi de la montagne, qu'après le sommet, il y a la chute abrupte. Oui. François Legault, de son côté, c'est un nom germanique qui signifiait la forêt ou le bois, qui désigne aussi celui qui réside près d'une forêt. D'une part, on peut connaître de quel bois il se chauffe. D'autre part, on a l'impression que le doigt cache souvent la forêt. Forêt oui. Et finalement, Françoise David, c'est évidemment popularisé par le nom du roi d'Israël, puis ça a mérité bien d'années de ça. Ben non, je peux comprendre. Puis votre préféré, là, Justin Trudeau? Justin Trudeau, deux choix. Sobriquet dérivé de Trudon, un prénom féminin qui voulait dire fidèle et loyal. Ça, pour ça, ça s'applique. Ou encore Truteau, c'est son ancêtre Truteau. En Amérique. Ouais. Hein? Mot germanique qui voulait dire gouverné par la force ou encore trut, coup, balance, ce qui nous réfère ou bien à la boxe ou bien à la pesée des grammes de potes, c'est selon. Ah oui, oui. Stephen Harper, de son côté, ça, c'est pas compliqué. Ça vient d'un joueur de harpe et ça ne surprend pas. Instrument à cordes pincées. Hein? Oui, oui, oui. L'un des plus anciens instruments de l'Antiquité, donc des dinosaures, oui. devenu un instrument royal par la suite, donc tout s'explique aussi. Ah, OK, bon, ça va. Thomas Mulcair, lui. Oui. Mulcair, ça vient de travailleurs d'usine, selon certains, peut-être les accointances syndicales du NPD, ou par d'autres, favorisés par Dieu. Et ça, Thomas Mulcair est convaincu. Oui, ça, il le sait, par exemple. Finalement, Daniel Payet du Bloc Pardon, Lego. Pardon, qui? Le Bloc Lego, c'est un autre parti. Je ne passe pas, lui. Payet, c'est dérivé du marchand de paille ou de celui qui couche sur la paille, et pour lui, c'est pas très loin de la réalité. Ben non, c'est pas mal ça. Hein? je trouve ça dur. Vous êtes dur avec vous. Vous avez raison. Vous alors, à la place, je vais parler des gens d'ici, M. Blanchard. Ah! Ouais. Vous avez le. Oui, oui, bon, mon ancien conseiller de Schlager-Maisonneuve, avant que je retourne sur le plateau, me sauver. Blanchard, ben ça veut dire l'homme vous aux cheveux. Vous êtes sur le plateau? Blanc. Oui, oui. Oui. Et vous y survivez? Ben, je me perds tout le temps. Ça, oui. c'est. C'est à cause des sens uniques. Exactement. Ça. Vous savez que Blanchard, ça veut dire l'homme aux cheveux blancs ou, en germanique, homme brillant et dur? Brillant et dur. On parle du caractère, là, ici. Ouh, hein? Oui. J'avais bien compris. Tout à fait. Et bombardier, ça, vous le savez probablement, désigne celui qui utilisait une bombarde. Bombarde. L'instrument qui lançait des grosses pierres, ce qui n'est pas comme des pavés dans la mare, là, ce qui n'est pas du tout le cas de Mme B. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Vous n'avez pas analysé votre nom, hein? Vous êtes gardé une petite gêne? Moi, ça vient de Cyprien, grec. Fait que je t'en faillite. OK, bon. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Vous pouvez applaudir, hein, parce qu'elle travaille très fort. C'est le seul qui travaille ici. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, évidemment. Julie, Christine Parent, Jean-Loulou Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, le grand Alex Courteau, Marie Lambert, Fred Savard aux voix extraordinaires. Merci pour Shane Gagnon. Non, c'est pas Shane Gagnon. C'est quoi votre nom? Kevin Gosselin, mais c'est correct. OK, merci beaucoup, Kevin Gosselin. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Denise, on vous écoute, c'est les dimanches à 16h. On vous lit avec le prochain dictionnaire de l'amour. On vous lit avec votre livre sur le maquillage. Là. Et on va vous voir au Musée Grévin toutes les semaines. Et monsieur le maire de Montréal, oui. qu'on reverra peut-être comme conseiller d'arrondissement au mois de novembre. Vous rappelez mon nom, là. Oui, tout à fait. Enfin. Et on m'écoute avec René. Ah oui, René, Culture Club. Oui, vous allez parler d'humoristes féminines dès demain. Alors, vous réécoutez notre balado, s'il vous plaît, en vous rendant sur notre site web et parlez de nous à vos amis et venez assister à l'enregistrement d'émission qui se fait les vendredis à 16h et on a beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, tout le monde? Oui. Merci. Hein? Alors, vous nous écrivez, on sera plaisir de réserver une place. Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Oui.